intermondialiste. Tu sais que tu es. T'es beau, ouais, comme mauvais. T'es beau, ouais, comme mauvais. T'es beau, ouais, comme mauvais. Ouais, beau, ouais, comme mauvais. Un peu bacounion, super bien gaulé. Pour la Palestine et nos libertés. T'es beau, ouais, comme mauvais. T'es beau, ouais, comme mauvais. T'es beau, ouais, t'es beau, ouais, comme mauvais. Le physique et le figuré, c'est la politique. Suffit de balancer, balancer la purée. T'es beau, ouais, comme mauvais. T'es beau, ouais, comme mauvais. T'es beau, ouais, t'es beau, ouais, comme mauvais. Ouais, comme mauvais. Tu portes nos voix et l'on va voter pour le gars du Larzac et contre les réacs. Et beau, ouais, comme mauvais. Et beau, ouais, comme mauvais. Ouais, beau, ouais, comme mauvais. Tu sais que tu es.